Pour la forme qui correspond à « nous », la terminaison du présent est toujours la même. C'est « iamo » dans tous les cas. Par exemple, comment direz-vous « nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne voulons pas le faire » Non possiamo farlo perché non vogliamo farlo. C'est ça. Non possiamo farlo perché non vogliamo farlo. D'accord. Comment diriez-vous maintenant « nous allons le voir » Andiamo vederlo. Andiamo a vederlo. N'oubliez pas le « a » après les verbes de mouvement comme « andare » ou « venire ». Andiamo a vederlo. Je vous rappelle aussi qu'on ne peut pas utiliser le verbe « aller » pour exprimer le futur, comme on le fait en français. Vous pouvez dire « nous allons le voir maintenant » avec le verbe « andare », mais uniquement si vous voulez vraiment dire « nous allons », »,« nous nous dirigeons », »,« nous marchons », etc. pour aller le voir. Bon, comment diriez-vous « peux-tu me montrer ce que tu as acheté ?» Montrer se dit « mostrare ». M-O-S-T-R-A-R-E. Mostrare. Rappelez-moi aussi comment on dit « ce que ». Ce sont deux petits mots. Ciò che. C'est ça, ciò che. Alors, maintenant, dites-moi, peux-tu me montrer ce que tu as acheté? Puoi mostrarmi ciò che hai comprato? Oui, bien. Puoi mostrarmi ciò che hai comprato? Au lieu de « peux-tu me montrer ?»« Puoi mostrarmi ?» Vous pourriez dire aussi « peux-tu me faire voir ?» Je vous rappelle que la construction « faire » suivie d'un infinitif est identique dans les deux langues. Alors, comment diriez-vous ça ?« Peux-tu me faire voir ce que tu as acheté ?»« Puoi farmi vedere ciò che hai comprato ?» Bien. Puoi farmi vedere, au lieu de puoi mostrarmi ciò che hai comprato, les deux sont possibles. Mostrarmi ou farmi vedere. Comment diriez-vous maintenant, ce n'est pas ce que je veux? Non è ciò che voglio. Voilà, non è ciò che voglio. Comment dit-on, je le prépare? Lo preparo. Lo preparo, oui. Si vous voulez insister sur le fait que vous êtes en train de le préparer en ce moment même, il y a une façon bien particulière de dire ça, qui est... Lo sto preparando. C'est ça, voilà. Lo sto preparando. Je suis en train de le préparer. Si par contre, vous ne l'avez pas encore préparé, mais que vous vous apprêtez à le faire, vous direz « je suis sur le point de le préparer », c'est-à-dire « sto per prepararlo ».« Sto per prepararlo », avec « sto per » suivi de l'infinitif pour dire « je suis sur le point de ».« Sto » vient de « stare », que nous ajouterons à notre liste de verbes dont la formation ne suit pas les règles habituelles. Donc, « stare » est une exception au même titre que « dare », donner, et « fare », faire. Quelle est la première personne du présent de « stare », celle qui correspond au « je » ? « Sto ».« Sto », oui. Et c'est de ce « sto » que l'on part pour former le « il » ou « elle » au pluriel, qui donne Stano. Stanno. Stanno. Et il ou elle au singulier se dit sta. Sta, exact. Et la deuxième personne, le tu, comment dit-on ça? Stai. Stai, qui correspond à tu. Stai. Et le nous, évidemment, va donner stiamo. Stiamo, oui. Pour voi, on part de l'infinitif, comme vous savez, ce qui donne State. State, c'est ça.